Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours dans Kenz al-Atfal, dans Kitab al-Adab, du comportement. Yaqul al-Mu'allifu, hafizallahu ta'ala, fi su'al al-Thani wa thamanin wa arba'amiyya wa alf, 1492e question. Ma khuturat al-Kazib. Maintenant, quel est le danger du mensonge? Le fait de ne pas dire la vérité. Et également la question qui vient après. Thalith wa thamanin wa arba'amiyya wa alf, 1493e question. Quelle est la récompense de la vérité? Ma ajru al-sidqi. Quelle est la récompense à être véridique? Les deux vont être réunis dans un hadith. La réponse. An ibn Mas'ud radiallahu anhu, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in al-sidq yahdi il al-bir. Que la véracité amène à la piété. Ou in al-bir yahdi il al-jannah. Et que la piété amène au paradis. وَإِنَ الرَّجُلَ لَيَسْدُكُ حَتَّى يَكُونَ سِدِّيقًا. Et que l'homme ne cesse d'être véridique au point qu'on l'appelle siddiq, c'est-à-dire le grand véridique. وَذَا عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي لِلْفُجُورِ. Et que le mensonge amène à l'immoralité. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي لِلْنَارِ. Et que cette immoralité amène au feu. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Et que l'homme ne cesse de mentir au point d'être nommé auprès d'Allah comme étant un grand menteur. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Donc le mensonge amène au feu. Et la véracité, elle, amène au Jannah. Ça, c'est connu. Et le mensonge est une chose qui est mauvaise. Même chez les mécréants, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Mais un menteur est une personne qui ne prend pas en considération sa parole. Et qui est méprisée. ثم قال في السؤال الأربعة وثمانية وأربعمية وألف 1484e question. أذكر فضل الصدق في البيع والشراء. Maintenant, cite le mérite de la véracité lors de la vente, lors du commerce. Comme dans le hadith de Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-bay'an bil-khiyar ma lam tafarraqa. Que les deux personnes qui sont en transaction, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, sont dans le choix tant qu'ils ne sont pas séparés, c'est-à-dire que le vendeur peut revenir de sa décision et l'acheteur également tant qu'ils sont encore ensemble. D'accord? Mais une fois qu'ils sont séparés, c'est fini, l'acte il est conclu. L'acte de vente il est conclu. فَإِنْ صَدَقَ وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. Que si jamais ils sont véridiques et qu'ils déclarent, c'est-à-dire qu'ils donnent les défauts, ils disent les choses telles qu'elles sont, il y aura une baraka dans leur vente. وَإِنْ كَذَبَ وَكَتَمَا مُحِكَ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا. Par contre, s'ils mentent et qu'ils cachent, alors cette baraka sera annulée. Il n'y aura pas de baraka dans leur vente. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Donc quand tu vois une chose à quelqu'un, sois véridique sur sa date, sur ses défauts, d'accord, réalisalika. Sois véridique. Ne mens pas, ne escroque pas. On l'avait pris auparavant. Man rachana falaysa minna. Que celui qui nous escroque ne fait pas partie de nous. Thumma qala fi as-su'al al-khamis wa 8400,000. 1485e question. Idha harama Allah shay'an fahal yajuzu bi'hu? Que si Allah rend une chose interdite, est-il permis de la vendre? On dit la yajuz, ce n'est pas permis. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه رواه أحمد. Que si Allah rend une chose interdite, il rend interdit son prix. Donc des choses qu'on possède avec nous, dont on apprend qu'elles sont illicites, il n'est pas permis de les revendre, mais on doit s'en débarrasser. À part si on trouve une utilité autre que son côté illicite. Par exemple, un homme, il a des vêtements de soie, ça n'est pas permis, il va pas les jeter. Mais il peut les vendre à une femme, par exemple, pour que le tissu soit racheté. Ou il peut les vendre pour que ce tissu soit racheté pour autre chose. D'accord? Mais par exemple, tu as de l'alcool, tu vas pas vendre de l'alcool que tu as. Tu t'es converti, mais tu as chez toi de l'alcool, tu as chez toi des CD, de la musique, tu as chez toi des choses, la télévision, tout cela, tu ne les revends pas. Il y a des choses, elles doivent être détruites, car elles sont mauvaises. Est-ce que jamais tu revends, de par les choses interdites que tu revends, cet argent-là sera haram lui-même. Donc cela également amène à interdire ceux qui travaillent dans les magasins qui vendent des choses illicites, comme le porc, comme l'alcool, comme la viande qui n'est pas halal, comme les choses interdites en religion. Tout ce qu'il touche comme salaire par rapport à cette vente, ce salaire devient haram sur lui. ثم قال في السؤال الثالث وثمانين وأربعمية وألف 1486e question. ماذا تفعل إذا رأيت اثنين يتخاصمان. Maintenant que fais-tu si tu vois deux personnes qui se disputent? Tu réconcilies entre les deux. Fidalil qawli Allah ta'ala, innama mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. que les croyants ne sont que des frères, alors réconciliez entre vos frères. Al-Hujarat, les appartements, verset 10. Tu essaies de réconcilier entre eux. Et si jamais tu ne peux pas, eh ben, tu regardes maintenant le jugement, car il y en a forcément peut-être un qui a tort et un qui a raison. Ou peut-être que les deux, ils ont tort. Ou qu'il y ait eu un malentendu. Regardez. D'accord, la chose. Essayez de, comme on dit, régler le conflit. Billati et Arsène. Donc ça ne mène pas à quelque chose de pire. Mais des fois, c'est vrai qu'il faut trancher. Une personne, par exemple, deux se dispute, on a un qui a volé l'autre, on ne va pas essayer de concilier entre les deux. Le voleur, il faut le blâmer. Il faut lui faire le rappel. Et logiquement, en islam, d'accord, si ça, le vol remplit les conditions, sa main, il est coupé. Ou un musulman a frappé un autre injustement, il était injuste envers lui. Il faut appliquer un jugement qui s'y applique. Cependant, ce jugement-là s'applique par les autorités, pas par nous, pas par les civils. Mais rien n'empêche aux civils de faire un rappel, et même s'il faut d'être sévère, avec l'injuste. ثم قال في السؤال السابع وثمانين وأربعمائة ألف بلك 187 question. ما حكم السب المسلم؟ Maintenant qu'on a dit d'insulter le musulman, on l'a dit auparavant, d'accord, que le fait d'insulter le musulman, c'est du fisq, de la perversion, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفقون عليه. Que le fait d'insulter le musulman, cela est de la perversion, le fait de le combattre, cela est de la mécréance mineure. ثم قال في سؤال 89,400,000 489 question. ما خطورة الظلم؟ Quel est le danger de l'injustice? في حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم الظلمات يوم القيامة. رواه مسلم. Il a dit craignez l'injustice, car l'injustice seront les ténèbres le jour de la résurrection. Apporté par Muslim. Et également on avait pris dans des douloureux précédents que Allah n'aime pas les injustes. Voyez? Et Allah ne guide pas les injustes. Et Allah n'aime pas le zulm. D'accord? Tout cela, c'est parmi les conséquences de l'injustice. Et l'injustice, c'est de différentes catégories. Il y a celle que le serviteur se fait à lui-même. Il y a celle que le serviteur fait à autrui. Et cette injustice qui se fait entre le serviteur et son seigneur. Et le zulm lui-même, il peut être majeur et mineur. Le mineur, celui qui est le péché. Le majeur, ça peut être la mécréance. Ça peut être de la mécréance également. Car le shirk a été appelé zulm. Inna shirk la zulmun azim, comme a dit Ta'ala. Que l'injustice ou le shirk est une énorme injustice. Et parmi les conséquences de l'injustice également, comme cite l'auteur, que l'invocation de celui qui était lésé s'accomplit contre toi. Si tu étais injuste. Qu'a fait Hadith ibn Abbas, Anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'a wattaq da'wat al-mazloum fa'innaha laysa baynaha wa bayna Allah hijab. Et craint l'invocation de celui qui était lésé, car il n'y a point de voile entre cette invocation, entre Allah Azzawajal. Muttafaqun alayhi. Donc tu fais du mal à quelqu'un délibérément, cette personne-là invoque contre toi. Donc son invocation, si elle n'est pas exagérée, excessive, elle s'accomplira contre toi. Donc cela est à craindre. Qala fi sual al-tis'in wa arba'amiya wa alf. 1490e question. Man huwa al-muflis al-haqiqi. Qui est le vrai perdant? Qui est le vrai perdant en réalité? C'est-à-dire yom al-qiyama. في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم savez-vous qui est le grand perdant, celui qui est vraiment qui a le grand déficit. Ils ont dit c'est celui qui n'a pas d'argent et qui n'a pas de bien. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة. Que l'a dit le mouflis, le perdant de ma communauté, viendra le jour de la résurrection avec du salawat. Il fait la salat. Avec du jeûne. Avec de la zakat qu'il aura payé. Ouyati, wa qad chatama hadha, wa qadhafa hadha, wa kalamal hadha, wa safaka dam hadha, wa draba hadha. Il a dit, il viendra, il aura insulté celui-ci. Il aura offensé, diffamé, ou accusé à tort celui-ci. Il aura mangé, consommé les gens, l'argent injustement de celui-ci. Et il aura fait couler le sang injustement de celui-ci et l'aura frappé celui-ci. Donc lui, qu'est-ce qui lui arrive maintenant? فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ فَتُلِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَ تُلِحَ فِي النَّارِ. Rawa Muslim. Il a dit, donc qu'est-ce qu'on fera? On prendra de ses hasanat à lui, de ce mouflis, pour les donner à ceux qui l'a lésé. de hasanat à un tel pour donner à celui qui l'a frappé, ou à celui qui l'a volé, ou celui qui l'a insulté, ainsi de suite. Et si jamais il ne reste plus de hasanat, on prendra des péchés des autres pour lui faire porter à lui. Et ensuite, il sera jeté au feu. Bien sûr, il sera jeté au feu temporairement. Car là, il parle bien de celui de sa communauté, celui qui n'est pas un mécréant. Et après, il sortira. Mais avant, le soleil sera châtié pour ce qu'il aura fait. Donc, des gens accomplissent leurs obligations, mais ils font tellement de mal à côté que leurs obligations accomplies, sa récompense, seront données à ceux qui l'auront réalisé. Et ça, c'est la justice d'Allah, Azza wa Jal. Hada wa min hikmatillah wa min adlillah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Naam. Wa laqad bi'ad al-qadr al-yawm wa alhamdulillahi rabbil alamin.